Quand il fut remonté dans son cabinet, il contempla le fauteuil où elle s'était assise et tous les objets qu'elle avait touchés. Quelque chose d'elle circulait autour de lui. La caresse de sa présence durait encore. Elle est donc venue là, se disait-il, et les flots d'une tendresse infinie le submergeaient. Le lendemain, à 11 heures, il se présenta chez M. d'Ambreuse. On le reçut dans la salle à manger. Le banquier déjeunait en face de sa femme. Sa nièce était près d'elle, et de l'autre côté, l'institutrice, une Anglaise, fortement marquée de petites véroles. M. d'Ambreuse invita son jeune ami à prendre place au milieu d'eux, et, sur son refus, « À quoi puis-je vous être bon ? Je vous écoute. » Frédéric avoua, en affectant de l'indifférence, qu'il venait faire une requête pour un certain Arnoux. « Ah ah, l'ancien marchand de tableaux !» dit le banquier, avec un rire muet, découvrant ses gencives. « Oudry le garantissait, autrefois. On s'est fâché. » Et il se mit à parcourir les lettres et les journaux posés près de son couvert. Deux domestiques servaient, sans faire de bruit sur le parquet. Et la hauteur de la salle, qui avait 3 portières en tapisserie et 2 fontaines de marbre blanc, le poli des réchauds, la disposition des hors-d'œuvre, et jusqu'aux plis raides et des serviettes, tout ce bien-être luxueux établissait dans la pensée de Frédéric un contraste avec un autre déjeuner chez Arnoux. Il n'osait interrompre M. d'Ambreuse. Madame remarqua son embarras. « Voyez-vous quelquefois notre ami Martinon ? Il viendra ce soir, » dit vivement la jeune fille. « Ah, tu le sais, » répliqua sa tante, en s'arrêtant sur elle avec un regard froid. Puis, un des valets s'étant penché à son oreille. « Ta couturière, mon enfant. Miss John ?» Et l'institutrice, obéissante, disparut avec son élève. Monsieur d'Ambreuse, troublé par le dérangement des chaises, demanda ce qu'il y avait. « C'est Madame Regimbard. »« Tiens, Regimbard, je connais ce nom-là. J'ai rencontré sa signature. » Frédéric aborda enfin la question. Arnoux méritait de l'intérêt. Il allait même, dans le seul but de remplir ses engagements, vendre une maison à sa femme. « Elle passe pour très jolie, » dit Madame d'Ambreuse. Le banquier ajouta d'un air bonhomme. « Êtes-vous leur ami intime ?» Frédéric, sans répondre honnêtement, dit qu'il lui serait fort obligé de prendre en considération. « Eh bien, puisque cela vous fait plaisir, soit, on attendra. J'ai du temps encore. Si nous descendions dans mon bureau, voulez-vous ?